on suit un peu les affaires. Depuis hier, en fait, maintenant, c'est le gendre qui a chopé le Covid. Alors, donc, on est une nouvelle fois cas contact. Donc, on ne sait pas combien de temps ça va durer comme ça, parce que c'est... Interminable, hein. Interminable. Donc, il est allé faire son test. On aura la réponse demain, mais en fait, on a déjà pris nos billets de train pour samedi, pour rentrer sur Strasbourg. Ceci étant, si lui, comme en fait ma fille a repris le travail, et que en fait lui est probablement contaminé. Du coup, la nounou ne peut pas venir à la maison, puisque et voilà. Et du coup, il y a la garde d'enfants qui pose problème. Donc, est-ce qu'on va partir, est-ce qu'on va pas partir, est-ce que Sylvie va rentrer, est-ce que moi je vais rester, voilà. Où est-ce que tes enfants ont le moyen de s'isoler dans la maison? Oh, ils sont tout petits. Non, mais je te parle de ton beau-fils, de ton gendre, par exemple. Oui, là, il a le moyen de s'isoler, oui. Ce qui n'empêche pas, en tout cas, la réglementation en la matière, au niveau cas contact, ben on sait maintenant de quoi il s'agit, puisqu'on a reçu les papiers, on est suivi par SMS, enfin bref, c'est tout un bins. Bon. Et on n'a toujours rien. Ou pas. Pardon ? Ta fille ne peut pas arrêter de travailler comme ça. Bah, en fait, comme elle est responsable de service, quand elle n'est pas là, c'est un peu là. Hein, quand le chat n'est pas là, les souris dansent, quoi. Ah, ouais. Donc, en ce moment, c'est un peu le cirque. L'entreprise a été fermée la semaine dernière parce qu'ils avaient trop de cas de Covid. Donc, ils ont préféré fermer complètement. Et là, ils ont réouvert, mais avec effectifs très limités. Et bon. On dirait qu'au niveau organisation, c'est un peu le bazar. Quoi. Bon, eh ben, on va te souhaiter bon courage, hein, un prompt rétablissement à toute la petite famille, hein, et faites en sorte de bien vous préserver, parce que ce Covid, il nous joue des tas de tours. Alors, aujourd'hui, nous allons travailler sur un thème qui va s'appeler « Comment garder les yeux ouverts ?» lorsque le merveilleux ne vient pas comme on l'attend. C'est bien ça ? C'est ça, comme nous le souhaitons, c'est ça. Ah, ou comme nous le souhaitons. C'est pas pareil. C'est pas pareil, mais bon. Hein, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Quand tu attends quelque chose ou tu souhaites quelque chose, il peut se passer des tas de choses entre les deux. C'est un peu comme le doigt de Dieu qui va rejoindre Adam, il y a toute une plage. Bon, alors, ce que je propose, moi, c'est que, Philippe, eh ben, tu commences à nous faire part de tes réflexions. On prendra Roderick après, qui a travaillé son sujet, et si vous le voulez bien, ben, je ferai une petite conclusion. Ça vous va ? Bon. Oui, c'est bien. Moi, de toute façon, je dirais, au niveau podcast, comme le podcast ne reçoit pas les écrits que j'envoie, je vais le reprendre, tout simplement. L'écrit que je vous ai envoyé il y a à peu près une semaine, oui, c'est ça, un peu plus quand même. Voilà, sur... En fait, je le reprends, j'ai lu attentivement le sous-chapitre « Geste et la parole » Retour à l'émerveillement de Bertrand Bergély, parce que justement, il nous interpellait un peu là-dessus. Déjà, il m'interpellait parce qu'à partir du moment où je lis c'était un passage un peu difficile, parce que en fait, il avance des thèses qui ne sont pas évidentes à comprendre d'une part, et puis à assimiler. Alors, est-ce que ce sont des thèses ? Bon, c'est bien de le lire et de le relire, ce truc-là. Moi, je ne vais pas le lire non plus dans le podcast. Hein. Mais disons que... Dans l'ensemble, qu'est-ce qu'il dit sur le sujet ? Qu'est-ce que tu as compris ? Alors, si je me rappelle bien, c'était donc je me mette un peu dans le, je me remette un peu la chose sur le fait d'être enraciné à la fois dans le ciel et dans la terre, comme les végétaux finalement. Et que en fait on a perdu cet enracinement dans le ciel en restant trop terre à terre. Voilà, ça c'est une première chose. Il y avait encore une autre chose qui me semblait importante. Où il faisait référence justement à quelques écrits de l'apôtre Paul que je ne partage pas toujours d'ailleurs. Les hésitations en podcast, c'est pas évident. Hein. Bon, par contre, c'est vrai que Bertrand Vergély a réussi à mettre des mots sur ce domaine spirituel. Moi, j'ai énormément de mal à mettre des mots là-dessus. Je sens les choses, et mon père les sentait aussi. Et par contre, y mettre des mots, on a toujours la crainte de ne pas être compris là-dessus. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans ce retour à l'émerveillement, il a fallu quand même plus de 300 pages à Bertrand Vergély pour essayer de faire passer la chose, ce qui n'est pas évident. Voilà. Et donc on est, comme je disais, le tout est de retrouver dans des écrits l'esprit et non rester sur la lettre. C'est pourquoi, vrai que dans des écrits sur... pourquoi dans des écrits? Là, c'est un écrit, en l'occurrence. Oui, Et quand on parle de Bible, ce sont aussi des écrits, bien qu'au départ, ça ait été des transmissions de bouche à oreille pendant 150 à 200 ans, avant de passer en mode d'écrit. Et c'est pour cela qu'on parle plutôt de l'esprit et non de la lettre, parce que la lettre n'est pas forcément extrêmement fidèle à ce que l'auteur veut dire ou ce que le lecteur est capable de comprendre ou peut comprendre. Voilà. Enfin, j'aime bien reprendre, prendre des notes et puis lire et puis d'essayer de sentir ce que vous, quand vous dites quelque chose dans le podcast, c'est presque entre les mots que je comprends et non pas dans les mots. Voilà. Parce qu'en fait, c'est le entre les mots qui me fait vivre et non les mots. C'est pour ça d'ailleurs que je disais que je crois aux enregistrements de Claude, parce que écouter des mots, ça ne veut pas dire que celui qui écoute comprend la chose qu'on a voulu dire dans les mots. Voilà. C'est ça qui est important. Et c'est pour ça que je crois dans ces enregistrements, parce que justement, ils sont susceptibles d'être écoutés par d'autres personnes que nous, et que ces personnes n'ont pas forcément la même approche et la même compréhension de ce qui est en train d'être dit. Et en fait, ce qui est dit est beaucoup moins important que ce qui va passer dans la vie de celui ou celle qui écoute et qui va entendre et comprendre ce que nous ne savons pas. Et peut-être nous ne saurons jamais. On ne va pas faire le siège de ces personnes pour savoir ce qu'elles ont compris, d'autant plus que il y a quelques jours, j'ai encore eu un appel téléphonique de quelqu'un qui passait devant le Jardin Merveilleux et disait « Ah, ça m'intéresse ce qui peut se passer justement à partir du Jardin Merveilleux et donc je voudrais participer ». Et c'est un gars qui est en fait auto-entrepreneur et qui travaille le bois. Ce qui nous arrange bien, finalement. Voilà. Alors, je continue un peu dans la chose, en ayant mon texte sous les yeux. Alors, le terrain de Saint-Goustan, en fait, on a une porte d'entrée avec les podcasts, et le terrain de Saint-Goustan, apparemment, est aussi une porte d'entrée, puisque... les gens passant devant sont interpellés. On a enlevé les calicots, mais par contre, les petits panneaux sont restés et interpellent. C'est bien. Il ne s'agit pas non plus d'interpeller des foules. Ça, c'est le rôle des médias. C'est, c'est différent de gérer des foules que de gérer des individus, des personnes. C'est d'ailleurs une réflexion qui avait été faite par dans un film il n'y a pas très longtemps sur Fouché et le débat entre Fouché et Fouquet-Tinguier. Voilà. Je ne l'ai pas vu ce film. J'ai vu le début. Oui, très intéressant. Très intéressant ouais. Justement dans la façon d'aborder les individus et la foule, comme disait. Fouché et Talleyrand. C'était Fouché. Voilà, Talleyrand. Voilà. Et Talleyrand. Ça, c'est très intéressant parce que on voit les manipulations qu'il peut y avoir dans les foules et dans les individus. C'est intéressant. Alors, je reviens un peu sur notre terrain. Bertrand Vergely parle des plantes comme enracinées dans la terre comme dans le ciel et nous invitant à cette position, c'est d'avoir autant de choses en haut que en bas. Cette considération permet de s'extirper un peu de ce monde où les apparences et le blabla semblent régner et déterminer nos lendemains. On est tout le temps dans le terre-à-terre, qu'est-ce qu'on va faire pour vivre demain, voilà. Ouvrir les yeux et les garder ouverts sur une autre réalité, j'allais dire une autre énergétique, puisque en fait, notre énergie actuellement, elle provient essentiellement du soleil, et tout le reste étant du fossile. Alors, les yeux ouverts sur une autre réalité, ça devient alors essentiel, puisqu'on a autre chose à voir que nos pieds qui marchent sur la terre. Et du coup, on peut les garder ouverts plus facilement. En fait, la phrase qu'on a commentée, au départ, quand je l'ai regardée, ça résonnait comme le résultat d'un caprice. Actuellement, on gère beaucoup les caprices de nos petits-enfants. Il y en a deux. Et on voit comment ça marche. J'exige, en fait, puisque mes attentes et mes souhaits ne sont pas exaucés, je me ferme et boude et j'attends et je râle, je deviens aveugle. Et on le voit dans nos petits-enfants qui, en fait, en tout cas le plus grand, qui a 2 ans et demi, bientôt 3 ans, lui, en fait, il n'écoute plus rien. Au bout d'un moment, en fait, à partir du moment où on n'exauce pas son vœu, il n'écoute plus rien. Il ne regarde plus, il ne regarde plus et il s'enferme. Et alors, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Ah, ça, c'est une très bonne question. Parce que c'est... qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On attend. C'est justement l'avantage du... je dirais, du retraité, que d'avoir du temps là-dedans. Alors, c'est pour moi, en tout cas, c'est j'explique la chose, et puis j'attends. Et puis au bout d'un moment, lorsqu'il y a une porte, une petite porte qui s'ouvre, c'est-à-dire qu'il essaye de réentrer en contact, eh bien, on explique. Mais, en fait, au départ, c'est une attente. Mais il y a une autre... Sylvie, ma femme, donc, a une autre façon de faire. Au départ, c'est aussi de l'attente, mais après ça, c'est plutôt elle qui part à l'assaut pour savoir, pour essayer de décoincer ce qui se passe dans la tête du petit. Donc, en essayant d'aborder par un autre chemin et l'attaquer par quelque chose qu'il aime, ou sur lequel on sait qu'il va réagir. Et donc, c'est en fait une autre piste d'envol. Ça marche des fois ça ne marche pas. Et moi, attendre, ça marche des fois, et des fois, ça ne marche pas. Et puis, il y a des fois, on se relaye, d'où l'intérêt d'être deux. Et c'est là l'intérêt d'être plusieurs. C'est là que le podcast à trois, c'est intéressant, ça pourrait être à plus. Mais c'est vrai que, comme on a une approche différente, ce que nous partageons actuellement a plusieurs portes d'entrée. Il y a la mienne, il y a celle de Roderick et celle de Claude. Mais toujours vers une idée du merveilleux. Alors, il y, y avait plein de questions que j'avais posées à l'époque, hein, quand je vous avais envoyé ce mail. C'est « Avons-nous les yeux suffisamment ouverts pour voir le merveilleux ?» Et c'est vrai qu'actuellement, le merveilleux de notre petit-fils, c'est les moteurs. Donc, pourquoi ? Ben parce qu'en fait, il connaît ça, il est passionné par ça, il en voit tout autour de lui. Et est-ce que nos yeux sont suffisamment ouverts pour voir autre chose que ce à quoi on a été éduqué ? Parce qu'en fait, notre éducation, on parle aussi de formation, on pourrait aussi l'appeler déformation, c'est-à-dire en fait déjà orienté vers une certaine façon de voir les choses, et finalement en délaisser d'autres possibilités. Et du coup, garder les yeux ouverts pour nous, en tout cas pour moi, c'est être prêt à voir même ce à quoi je ne m'attends pas. Le merveilleux ne vient pas comme nous souhaitons, alors peut-être que, ou comme nous l'attendons, mais peut-être parce que nous ne savons pas attendre, d'une part, et que nous souhaitons peut-être des choses qui sont quand même un peu réduites. Un peu réduites pour être merveilleuses, quoi. Ce que nous souhaitons actuellement peut-il être merveilleux ? A-t-on capacité d'imaginer le merveilleux ? Le merveilleux est-il imaginable ? Ou justement, le merveilleux doit-il être paré de la surprise, de l'inattendu et de l'incommensurable ? C'est là la grosse question. Et c'est, à mon avis, une question vraiment de l'humanité, là-dedans. C'est-à-dire, est-ce qu'on on sait imaginer autre chose que ce à quoi on a été formé à imaginer ? Et c'est un peu en cela, c'est un peu ce qui, pour terminer, ce qui m'a fait sortir de l'enseignement, c'est que en fait, dans l'enseignement, on ne permet d'imaginer que ce que, on ne fait imaginer que ce qu'on nous a permis de faire imaginer. On est coincé. J'ai essayé pendant 7 ans de le faire, et c'est vrai que j'ai été taclé, mais par contre, je sais que j'ai fait rêver pas mal de jeunes, et ça, c'est super là-dessus. Par contre, j'ai été taclé par les inspecteurs. C'est pas grave. C'est pas grave parce qu'en fait, le résultat sur les jeunes que j'ai et qui m'envoient des messages disant ben voilà, où est-ce que j'en suis, c'est super, c'est fantastique. D'où l'idée de rentrer dans ce merveilleux de façon à part entière. Voilà, j'en ai terminé pour ma part. Bon. Alors, Roderick, quelle question tu as posée à Philippe ? Et est-ce que tu as des questions ? J'ai des questions et je me pose la question, ce que tu vas dire sur le fait que, à partir du moment que Dieu entoure et imprègne tout, et qui décide de tout, à quoi ça sert encore de faire des recherches ? Et évidemment, on vient là à la doctrine de la prédestination, Philippe. Ah oui. Et à partir de quel moment est-ce que on se détache de cette idée que le Dieu tout-puissant voit tout, décide tout, t'aime, te suis, t'entoure du bout en bout, et comment quand on le sait, on se laisse aller dans cette direction comme petit homme que nous sommes. Mais à partir du moment que, et ça c'est l'autre côté, que tu es dans le jardin merveilleux et qu'il y a quelqu'un qui passe et qui commence à poser des questions, on a beau savoir que tout est dans la main de Dieu, mais comment faire pour l'intéresser, donner cette petite étincelle aussi sur, ou faire connaître cette petite étincelle entre Michel-Ange, si bien peint, comme tu nous as déjà raconté. Alors je vois là, c'est une question que moi-même je n'arrive pas à résoudre. le Dieu Tout-Puissant, à partir de quand est-ce qu'on peut être proactif pour qu'on puisse ouvrir le chemin à des tiers ou montrer qu'il y a une autre dimension? Ah, mais ça... On est un petit peu abandonné, on se dit, mais oulala, on le sait pour soi-même, mais pas pour l'autre. Comment gérer ça, en fait? Mais ça, c'est une question que être sûr qu'on est que Dieu sait tout, voit tout, crée tout et tout ça. À partir de ce moment-là, on est si bien géré que on n'a même plus besoin de se poser quelque question que ce soit, n'est-ce pas? Mais à partir du moment qu'on vient en contact avec quelqu'un qui peut-être ne croit en rien, comment transmettre, comment ouvrir ce chemin? C'est un point qui me travaille beaucoup. Mais toi, tu as certainement déjà beaucoup réfléchi à ça, j'en suis sûr. Ben, en fait, on revient, pour répondre à ta question, oui, la question de la prédestination, puis le fait de quel rôle on a à jouer, en fait, en tant que homme auprès oui. des autres hommes. Exact. Et ça, en fait, plutôt que d'être complètement d'un côté ou complètement de l'autre, je dirais que je réponds à un appel. C'est-à-dire... un peu comme dans le livre où Dieu appelle Samuel, et il était petit, hein, dans le livre des rois, il était petit et il demande à son grand-père qu'est-ce qu'il doit faire, parce qu'il entend toujours quelqu'un l'appeler Samuel, et puis c'est le grand-père qui lui dit, lève-toi et dis, me voici, qu'est-ce que je peux faire à ton service? Et donc il le fait parce qu'on lui a dit comment il fallait faire. Et là, après, Dieu peut lui parler. Et en fait, il y a un appel, déjà, là-dedans, et il faut le ressentir. Et c'est vrai qu'à partir du moment où il y a quelqu'un, comme il y a 3 jours, la personne qui m'a appelé, il y a un appel. Il y a un appel, ça veut dire qu'il est déjà préparé. Alors, est-ce qu'on est un peu dans la prédestination là-dedans pour lui? C'est-à-dire, oui, il est. Est-ce qu'il a été dirigé vers cet endroit, ou est-ce que c'est complètement le hasard qui vient? Ça, j'en sais rien. Le tout, c'est l'appel. Et cet appel, pour moi, quand je reçois un appel de ce type-là, c'est comme si ça me fait penser à cet appel de Samuel. Dit ah, j'ai. On m'interroge là-dessus. Il faut que je puisse répondre. Et donc, la réponse qui avait été donnée à l'époque, comme ça a été écrit dans le livre des rois, c'était « Lève-toi et dis, parle Seigneur, ton serviteur écoute ». C'était ça. Et c'est d'être le premier, en fait, à l'écoute de celui qui appelle. Donc, arriver à ce qu'il dise ce à quoi, en fait... ce à quoi il s'attend. Et là, on rejoint notre sujet, justement. Le merveilleux, est-ce qu'il doit venir comme on l'attend? Et du coup, on pose la question à la personne qui vient. Et finalement, pour vous, le merveilleux, c'est quoi? Et là, du coup, là, le débat est ouvert, et ça marche. Et ça ne marche pas forcément immédiatement, c'est-à-dire on a maintenant des moyens, on a le site web, on a les podcasts qui sont dessus, on peut dire voilà ce que je ressens par rapport à ça. Mais si vous voulez en savoir plus, il y a le site web qui peut vous interpeller à certains endroits, il y a des podcasts qui peuvent vous interpeller, n'hésitez pas à faire et à revenir vers moi une fois que vous avez vu ça, et voilà. Donc là, en fait, c'est pas franchement de la prédestination. Là où je me pose la prédestination, c'est plutôt vis-à-vis des gens qui viennent. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont été incités? Est-ce qu'ils ont été guidés à venir? Est-ce qu'ils ont un besoin exprimé là-dessus? Et du coup, bah, c'est comment arriver à le faire exprimer. D'où cette, le message que vous avez reçu, vous aussi, que j'ai envoyé hier, je crois, si je m'en rappelle bien, si je ne suis pas encore trop Alzheimer, c'était « venez exprimer ». Venez vous exprimer sur les 5 et 6 juin prochains sur le site. Voilà. C'est donner la parole, aimer plus que la parole, parce que je sais que moi, la parole, je ne l'ai pas forcément. Ce n'est pas évident de trouver les mots adéquats. Et pour beaucoup d'autres, c'est la même chose. Hein, quand je vais voir les sœurs du jardin, elles n'ont pas du tout les mêmes paroles. Et à travers les mots qu'elles disent, je sens plutôt les choses que ce que les mots veulent vraiment dire. Parce qu'on sent qu'elles les cherchent. Je ne sais pas. Oui. C'est pas évident, parce que la culture des uns et des autres n'étant pas la même, on a les façons de dire les choses. Il y en a qui ont besoin de parler argotique parce qu'ils ne savent parler que comme ça. Il y en a d'autres qui ont besoin de parler, je dirais, assez violemment, parce que en fait, on leur a appris, ou ils ont appris que comme ça. J'ai encore lu un article il n'y a pas très longtemps, justement, sur Jean-Pierre Darroussin, l'acteur oui, c'est ça, de cinéma et de théâtre, qui disait, ben voilà, moi, j'ai eu du mal à me reconnaître dans pas mal de cinéma avant de me lancer dedans, parce que j'ai été élevé dans un milieu populaire où on parlait d'une certaine façon. Je connaissais cette façon de parler, je la comprenais. Et puis, dès qu'on parlait avec d'autres personnes qui avaient été élevées autrement, je ne comprenais rien. Voilà. Et donc, je me retrouvais pas du tout dans certains acteurs ou certains films où on parlait d'une certaine façon. Et ça, c'était pas du tout ça qui m'interpellait. Et là, c'est vrai qu'on a une question de langage. Et pour certains, le langage, c'est les mains, d'autres, c'est le dessin, d'autres, c'est le chant. Et voilà, c'est l'occasion ou jamais, peut-être, de faire s'exprimer d'autres façons. Toi aussi, d'ailleurs, puisque tu étais partant pour aussi un stage de début d'été, hein, à Messerie. Hein. Donc, il y en a qui ont besoin de s'exprimer autrement. Et oui. Les yeux ouverts à... C'est aussi ça. Audric, à toi encore. Oui, c'est que pour enchaîner à ce que tu viens de dire, Philippe, si quelqu'un vient comme ça te voir au jardin merveilleux, il te voit là dans le jardin, et que tu sens qu'il est ouvert à discuter, en fait, celui qui veut être chrétien ou croyant ou je ne sais pas quoi, ne doit se donner à l'écoute que comme une ouverture à Dieu. En ce sens, écouter, c'est déjà croire. Une fois qu'il est convaincu qu'il n'a rien en propre, mais que tout vient de Dieu, il sent que c'est la seule chose que Dieu lui demande, c'est-à-dire l'écouter. Et les contacts que toi aussi, Claude et Philippe, vous avez, c'est écouter, c'est l'essence même. OK, on peut parler de l'art ou de la musique, etc. C'est aussi écouter, c'est aussi regarder. Mais écouter, être ouvert, c'est se donner les moyens de se laisser émerveiller, n'est-ce pas? Une autre chose que, puisque j'ai eu de la peine à formuler ici, d'être plus précis, mais on sait que Dieu entoure tout et imprègne tout, n'est-ce pas? Nous, nous nous en rendons simplement pas compte. Il faut s'imaginer que tout est plein de Dieu en ce moment. Mais pour le jardin merveilleux, ce qui est intéressant, ce sont les moments de Dieu, si j'ose dire. Comme Dieu est partout, on le sait, mais à certains endroits et à certains moments, il pénètre plus et plus profondément. Et là, on peut appeler ça les traces du royaume, les moments de gloire, ces petits moments qui nous frappent, qui nous émerveillent. Et ça, c'est naturellement, ce n'est pas évident d'apprendre, mais quand on est ouvert et que si on est ouvert à se laisser surprendre et à voir certaines surprises, c'est comme si on reconnaît un moment de Dieu. Même si c'est dans un flash très court, ce sont ces beaux moments où on se rend compte qu'il y a une autre dimension, qu'il y a des moments de Dieu, les moments d'émerveillement. Et en fait, à mon avis, faire davantage l'expérience de Dieu, c'est le reconnaître davantage et apprendre à le désigner. Puisque j'ai l'impression que Dieu travaille également sur ces moments d'émerveillement ou ces moments de surprise où on se dit « Ah !» C'est-à-dire que ces moments où l'on prend soudainement conscience de quelque chose. C'est peut-être aussi, on peut appeler ça le Saint-Esprit, ça je ne peux pas te dire, mais ce sont ces petits flashs, ces moments qui montrent la présence, si on rend attentif les personnes à ces moments très particuliers, je crois que c'est une façon de non seulement, pas tellement d'ouvrir la porte, mais de dire, mais réalisez-vous bien ce qui se passe là, c'est un signal. C'est ça qui m'a beaucoup travaillé. En me déplaçant en toi, Philippe et Claude, quand vous êtes dans le jardin et que vous rencontrez quelqu'un, ce sont ces petits moments, ces beaux moments qui marquent, qui totalement inattendu. Mais de créer la capacité de s'émerveiller, c'est juste soit d'ouvrir très bien les yeux. J'arrive pas à aller beaucoup plus loin que ça. Il y a naturellement, on peut réfléchir à mille choses, la prédestination, il y a des méthodes, il y a des personnes, des groupes qui aiment utiliser le mot Dieu en croyant que c'est comme ça que ça va venir, là j'ai un peu plus de peine. Il y a des gens qui en parlent comme s'il était là à côté et. Comment dire ? Enfin voilà ce qui me tourne dans la tête, mais. C'est bien. Je c'est pas très très concret, mais écouter et puis se laisser surprendre par ces petites choses dans la vie qui sont magnifiques, c'est ça qui font que c'est tellement important d'ouvrir les yeux et de garder les yeux ouverts. Si tout va bien ou si tout va mal. Si tout va bien, c'est quand même très important de continuer à garder les yeux bien ouverts et pas devenir autosatisfait. Et quand tout va mal, la fuite en avant, c'est parfois aussi trop facile. Il faut rester très attentif à ces signaux. Mais peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord, Philippe, Claude, j'en sais rien. C'est pas une question d'accord, c'est une question de partager. C'est ça. On a trois points. En fait, on a trois points de vue. J'ai pas dit qu'ils étaient différents, mais on a trois points de vue. Et c'est bien pour avoir les trois dimensions. Ça fait 3D. Le 3 est un mot magique, biblique. Ah, oui, oui. Mais évidemment, vous vous souvenez que je vous ai envoyé ce petit livre, oui. Voyage un pèlerin russe. Évidemment, on peut aussi, celui qui veut vraiment rencontrer Dieu, on peut s'efforcer à apprendre à prier, répéter tout le temps la même chose, partir et d'essayer de le trouver comme ça. Et par les surprises sur son chemin, on le trouvera aussi. Mais ça, c'est déjà plus... là, il faut travailler. C'est plus de devoir, c'est plus exigeant. C'est un mode de recherche. Il y en a beaucoup qui... J'ai essayé de lire pas mal de choses ces temps-ci. J'ai bien dit essayer, parce que ce n'est pas évident du tout avec le tohu-bohu que représentent les petits et ce contexte covidien. Donc, mais ça m'a permis de voir différents points de vue. Et tu vois, par exemple, je suis... Par rapport à la décision de faire quelque chose la première semaine de juin, je suis émerveillé de la façon dont ça s'est passé. C'est-à-dire, j'avais l'intention de venir au mois de mai, et puis en fait, pour faire quoi ? C'était pour faire quoi ? Et Sylvie me posait la question, mais qu'est-ce que tu vas y faire, finalement ? On va planter des tomates, on va faire... Bon, voilà, enfin, c'était très terre-à-terre. Et puis finalement, le flash est venu de l'article sur le retour, et d'ailleurs sur l'intervention normalement de Emmanuel Macron demain, sur retour à la vie normale. Mais qu'est-ce que c'est qu'une vie normale ? Voilà. Est-ce que c'est refaire comme avant ? Et voilà. Et là, ça a été le déclic. Je me suis dit, bon, ben, c'est vraiment ça. On est dans la question de la vie normale. Qu'est-ce que c'est qu'une vie normale ? Eh bien, exprimons-nous là-dessus. Voilà. Et du coup, les choses se sont placées, après ça, les dates se sont placées en fonction des disponibilités des uns et des autres et des contraintes qui sont arrivées en même temps. Ce qui fait que, bon, ben, en fait, voilà. Il y avait une semaine là. C'était là. Voilà. Et rien que ça, moi, ça m'émerveille. Parce que c'est pas « il faut absolument que je fasse une réunion sur ci ou sur ça, ou qu'on discute de ci ou de ça ». C'est pas, il n'y a absolument pas d'obligation. C'est des choses qui se mettent en place tout seul, toute seule. C'est là que je te rejoins quand tu dis « Dieu est partout », qu'il y a un esprit. Mais par contre, on a tous à mettre un pied en avant. On nous demande de faire à chaque fois un pas. Quand on ne fait pas le pas, il n'y a rien qui se passe. On est complètement passif. Donc à chaque fois, il y a un pas. Et là, en fait, à chaque fois, je n'hésite plus maintenant à faire ce pas qui m'est demandé, même si un jour, il doit me coûter très cher. Un peu comme ce qui avait été demandé à Abraham de sacrifier son fils à un moment. Mais tu vas jusqu'au bout et puis... voilà. Il y a des choses comme ça. En fait, on ne sait pas. On ne sait pas comment ça va se passer. Mais par contre, ça marche en confiance. Oui. Ça, c'est bien, cette confiance. Je peux aussi vous dire que j'ai aussi fait toutes les démarches pour mettre fin à mes activités professionnelles ces dernières semaines. J'ai encore pas mal de clients et un à un, je les conduis du nouveau à une autre adresse où c'est pour créer du temps et c'est pour se mettre à l'essentiel. Et enfin, ce n'est pas très intéressant en soi, mais chacun avance de sa façon. Si, c'est très intéressant, justement. Mais c'est créer du temps pour l'essentiel, tellement important. Mais alors, pour la transition, ça a pris un petit peu de temps, mais maintenant c'est fait. Mais bon. Bravo. Bravo, oui. Rodrigue. Je rejoins le club. Mais Mais Claude, tu l'as déjà fait ce pas, n'est-ce pas, de mettre fin à tes activités. Mais ce n'est pas tout à fait ça, prendre la retraite, mettre fin à ses activités. C'est un recentrage plutôt de ce qui est important, ce qui est essentiel, n'est-ce pas? Alors pour ma part, puisque tu t'es tourné vers moi, ce recentrage, je l'ai fait en même temps que mes activités depuis les années 80. C'est-à-dire que la discussion là que nous avons d'aujourd'hui, je l'ai vécu il y a 30 ans de ça. Et est-ce que tu as terminé, Roderick, ou pas? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors je vais poursuivre si tu veux, si vous voulez bien. Tu l'as fait graduellement ou seulement? Oui, je l'ai fait à travers un parcours maçonnique et je l'ai fait, jour après jour, mois après mois, semaine après semaine, etc. Et je ne l'ai pas fait seul, je l'ai fait accompagné et ça m'a permis de m'ouvrir aux autres. C'était déjà ma vocation professionnelle. C'était déjà de s'ouvrir aux autres, ça faisait partie de mon job, quoi. Et il ne pouvait pas en être autrement. Mais s'ouvrir aux autres, c'est un abandon de soi. Oui. Et ça peut être une privation. Mais si tu sais transformer cette privation ou glorifier cette privation, eh bien, tu es sur le chemin du divin. L'abandon de soi, l'abandon de notre matérialité, cette gangue qui nous coince au quotidien pour aller vers l'autre, pour comprendre l'autre, pour être l'autre, il y a un phénomène de métampsychose. Et tant que tu n'es pas dans ce système de métampsychose qu'on pourrait appeler communion, nous chrétiens, eh bien, si tu n'es pas dans cet état d'esprit-là, ben, tu ne peux pas fonctionner, ou tu fonctionnes mal. Alors, ça s'apprend, et puis ça se cultive. Et je dirais que le merveilleux et le jardin merveilleux me permet de retrouver mes sensations. Hein, vous savez qu'un sportif, il a abandonné un petit peu un certain temps son exercice, eh bien, il a besoin de retrouver ses sensations. Et moi, mes sensations, je les retrouve dans le merveilleux. Et puis, j'ai envie de vous accompagner. J'ai envie de vous dire, ce thème-là, je l'ai trouvé redoutable, inapproprié me concernant. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Alors, travailler là-dessus, bon, ça ne m'a pas intéressé. Ça ne m'a pas intéressé parce que le problème est mal posé. Alors, je vais essayer, si vous m'y autorisez. Je suis un peu confus dans mon propos parce que je n'ai rien écrit, je n'ai rien préparé. Mais je vais essayer de vous expliquer pourquoi ce problème est mal posé. Il est mal posé parce que on n'est pas sur le chemin de la sagesse. On est à garder les yeux ouverts. Il faut surtout que je garde les yeux ouverts, sinon je ne vais pas pouvoir retrouver mon merveilleux. Je ne vais pas le voir. On est un peu comme l'était Lancelot à chercher et à attendre son Graal, et ils ont parcouru le monde, descendu des montagnes, etc., pour trouver ce Graal, trouver ce merveilleux. Et puis, en fin de compte, ils n'étaient pas formés à ça, ils n'étaient pas préparés à ça, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné pourquoi ? Ben parce qu'ils n'étaient pas disponibles pour Dieu. Ils n'étaient pas disponibles pour le Graal. Pourquoi ils n'étaient pas disponibles ? Eh bien, l'un parce qu'il était amoureux, l'autre parce qu'il avait des préoccupations politiques, et c'est le troisième, Perceval, qui a tout abandonné, qui s'est dépouillé complètement de cette gangue de matérialité qui l'environnait, et lui, il a vu arriver ce Graal devant lui. Et il a pu le prendre. Parce que c'est pas tout de regarder. On en parlait tout à l'heure. Hein. Écouter, regarder, c'est pas tout. Il faut rentrer dans le divin. C'est notre métier à nous. Si notre métier, en tout cas, c'est mon métier à moi, c'est de rentrer dans le divin. Épouser complètement la nature que ce divin a créée pour que je puisse me métamorphoser dans ce divin qui est ma perspective, mon objectif. Alors pour ça, eh bien, il faut s'en donner les moyens. Et pour s'en donner les moyens, eh bien, il faut rentrer dans des voies de sagesse. Et ces voies de sagesse, il y a des lois qui les font fonctionner et elles s'apprennent. Faut surtout pas les transgresser parce que tu te casses la figure. Mais cette voie de sagesse, c'est bien sûr de garder les yeux ouverts. Le sage a les yeux ouverts. Le sage regarde le moi du sage devient soi. C'est-à-dire que on rentre en symbiose totale. Par le biais des yeux, par le biais de nos sens, par le biais de l'écoute, par le biais du toucher, on rentre dans un cheminement que l'on peut apparenter, que moi j'ai apparenté à celui de l'amour, mais l'amour du divin, l'amour somptueux. Et là, la rencontre se fait, et là, t'y es, quoi. T'y es. Alors, la difficulté, c'est d'y rester, quoi. La difficulté, c'est de se transcender soi-même pour y rester. Et pour y rester, il y a pour moi une seule recherche, c'est la communion avec l'autre. C'est cette reconnaissance, et ce besoin de reconnaissance qu'on a de l'autre. On n'existe que par l'autre. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé que de prédestination. Eh bien, moi, je vais vous parler uniquement que de libre-arbitre. La prédestination, c'est ça qui nous plombe. La prédestination, c'est un chemin où tu maîtrises plus rien. Comment veux-tu rencontrer Dieu si tu es plombé déjà depuis le départ? Donc, la première préoccupation, c'est de sortir de ce schéma de prédestination et de conquérir un libre arbitre. Ce libre arbitre, ben, il fera faire des choix, et de garder les yeux ouverts, ça ne te posera aucun problème, absolument aucun problème, parce que dans ce chemin de sagesse, les yeux sont ouverts, les sens sont complètement exacerbés pour aller vers l'autre pour le toucher, pour le comprendre, pour l'aimer. Et l'autre, c'est Dieu. Alors, voilà un petit peu comment j'aborde les choses. Ça sort un peu des sentiers battus, peut-être, ou c'est des grands classiques pour vous. Moi, j'ai laissé passer parler mes tripes, parce que c'est l'abandon de soi, c'est de mettre ses tripes sur la table pour dire « merde ». Être capable de dire « je veux, j'existe, je suis », d'être dans le « je ». Voilà, bon, allez, j'ai terminé à vous ennuyer avec mes... Bah, heureusement que tu as terminé, parce que là, je suis en fin de batterie, il m'annonce qu'il va bientôt se fermer, alors... Bon. Eh bien, alors, on va en arrêter là. Non, mais eh ben, c'est bien. Claude, merci pour.